indivisible, with liberty and justice for all. Fuck off, moi je veux être. Tu veux vivre comme l'air, hey. Vivre comme l'air. Tu veux vivre comme l'air, hey. De l'Ariane à Saint-Lévesque, un contracteur, un contracteur, un à Saint-Lévesque, contracteur, un contracteur, un à Saint-Lévesque, contracteur, un contracteur. Et vive le rock libre! Fred, my fallen son, I do like I didn't grab my daddy's gun. Oh, remember when they gave me the killer body head. Bless yourself and solemnly reflect when they hear my name. Bienvenue tout le monde à cette 395e émission de Sky Punkcore avec le camarade B, ça c'est moi. Alors c'était la formation rockabilly irlandaise Spellbound avec la chanson Ballad of Bobby Kane, extrait de leur tout nouvel album qui s'appelle Stir It Up et qui vient de sortir sur l'étiquette Drunkabilly Record. Aujourd'hui, on commence d'ailleurs l'émission avec justement trois autres nouveautés de l'étiquette Drunkabilly Record. On va y aller tout d'abord avec la formation américaine Moonshine Reunion et la pièce I'm Desperate, extrait de leur album qui s'appelle Tired of Driving. Ensuite, on va continuer avec une autre nouveauté qui nous vient de la Belgique, de Baboons, avec la chanson I'm Set for the Weekend. Pas I'm Set, mais plutôt All Set for the Weekend. extrait de leur tout nouvel album qui s'appelle Black Scratch, qui est meilleur que leur album précédent, soit dit en passant. Et puis après ça, nous allons terminer ce prochain bloc avec une formation qui nous provient des... pas des États-Unis, mais de la Grande-Bretagne. La formation qui s'appelle, attendez une petite minute, Wakefield's Spliff, avec la chanson Forever Youth, extrait de leur album Fat 41. Alors, allons-y sans plus tarder avec toutes ces bonnes nouveautés de Drunkabilly Record. Et ça commence avec Moonshine Reunion et la chanson I'm Desperate à Skypunka sur les ondes de C'est Fou, le Radio Campus de Trois-Rivières. Yeah! Well, I'm desperate, what's the matter with you? I'm desperate, so loving you. I'm desperate, give me one more chance. Come on, pretty baby, give me true romance. I'm desperate, it's a plain to see. I'm desperate, that it's killing me. I'm desperate, honey, set me free. Please won't you put me out of misery. All the sleepless nights since you've been gone, all the lonely days, sitting here alone with my phone, wondering if my little girl is ever coming home. And I'm desperate, desperate as can be. I'm desperate, please come back to me. I'm desperate, mama, can't you see? You gotta come on back and end my misery. Man, I'm desperate, so loving you. I'm desperate, give me one more chance. Come on, pretty baby, give me true romance. I'm desperate, it's so plain to see. I'm desperate, that it's killing me. I'm desperate, honey, set me free. Please won't you put me out of misery. All the sleepless nights since you've been gone, wonder if my little girl is ever coming home. I'm desperate, desperate as can be. I'm desperate, but mama, can't you see? Sitting here alone, waiting by the phone. Wonder if my little girl is ever coming home. I'm desperate. Oh, set for the weekend. My baby, she gon' talk loud. Baby, she's the killer's proud. Oh, my baby, she's a hellway band. I gonna love her all till the end. Well, I love her on Monday and the Tuesday blues. Wednesday's good and Thursday's too. Friday's gone and knock me on my shoes. Well, she's oh, set for the weekend. On Monday morning, my head's a mess. I got a bad, bad feeling after history class. Well, the teacher told me how much we can attach. Yes, me and I'm about to splash. Well, I love a whole money at the Tuesday blues. Wednesday's good and the Thursday's too. Friday's gone and knock me on my shoes. The witches, oh, set for the weekend. lady, she's the killer's proud. My baby, she's the man. I go to live a hotel in. Well, I love a whole money at the Tuesday blues. Wednesday's good and Thursday too. Friday's gone and not be home, my shoes. When she's all set for the weekend. Tout juste d'entendre la chanson Forever Youth de la formation britannique qui s'appelle Wakefield Spliff, et ça c'est extrait de leur album Fat 41, c'est ça. Juste avant ça, tout d'abord, si on recule de deux pièces, on avait commencé ça tout d'abord avec On avait eu Moonshine Reunion avec I'm Desperate. Et par la suite, on avait eu The Baboons avec la chanson All Set for the Weekend. Maintenant, on va encore continuer en nouveauté. Je sais pas si vous savez ça, mais la formation ska française 8.6 Crew, qui était quand même assez connue dans le début des années 2000, qui avait sorti l'album Bad Bad Reggae, Eh bien, ils sont de retour. Ils sont de retour avec un tout nouvel album qui est sorti à la fin de 2010. Album qui s'appelle All Reggae Friends. Album qu'ils ont dédié, en fin de compte, à tous leurs amis qu'ils ont perdus depuis que le groupe existe. Donc, un des anciens membres du groupe, d'ailleurs. Et c'est justement à lui qu'on dédie l'album, ainsi que la chanson thème de l'album qui s'appelle All Reggae Friends. Alors pour 8.6 coups, ce qu'on va entendre, trois pièces extraites de leur plus récent album qui est vraiment très bon, qui est à la fois, tout comme leurs deux albums précédents, un mélange de ska et de reggae, à saveur très politisée. Donc on va... Ah oui, puis autre chose que je voudrais dire à propos de leur nouvel album, la majorité de leurs titres sont en anglais, sauf que les chansons sont tous en français, à part des fois quelques couplets ou refrains qui sont en anglais. Mais sinon, c'est la spécificité de leur nouvel album. Donc, alors nous allons entendre la pièce Too Strong. Ça, c'est la pièce d'ouverture de leur nouvel album. Après ça, on va y aller avec la chanson thème de l'album, All Reggae Friends. Et puis, nous allons terminer avec la dernière pièce de leur album qui s'appelle United. Donc, je crois que ça va vous donner un bon aperçu du nouvel album de 8.6 Crew. Nouvel album qui est vraiment très bon. Et c'est à vous procurer. Alors, allons-y en ska avec ce bon vieux groupe 8.6 Crew et ses nouvelles compositions. Tout ça uniquement en ska et punka sur les ondes de C'est Fou, la radio campus de Trois-Rivières. Sache que t'es là, mais que tu te trompes pas, non pas que tu te trompes pas. T'es bien sûr de toi mais rien n'est sûr ici bas. T'es casque style, en bangalang style. Sonne le reggae de ses gold initiales. Boom bye bye, des positions radicales. Donne le dancehall de son beat animal. Mais tu dis d'être ouvert, pas d'esprit barrière. Range tes tendances car je me fous de ce que tu penses. Même s'il y a des millénaires qui se la pètent sur terre. Moi 1000 ou 2000, moi je reste des cums hostiles. Sometime I lose, sometime I win. With you by my side, I can do anything. I miss the sometime, give me more time. With you by my side. Sometime I lose, but sometime I win. With you by my side, I can do anything. I miss the sometime, give me more time. With you by my side. Grande gueule et qu'on sache que t'es là. Mais tu te trompes pas, non, toi tu te trompes pas. T'es bien sûr de toi mais rien n'est sûr ici bas. C'est casque style, en bangalang style. Sonne le reggae de ses gold initiales. Boom bye bye, des positions radicales. Donne le dancehall de son beat animal. Quand t'as ces bouffons qui étalent leurs millions, qui croient que l'éducation n'est qu'une question de pognon. Dans leurs émissions de princesse de mes fesses, leur goût à la con et leur coupé Mercedes. Sometime I lose, sometime I win. With you by my side, I can do anything. And this is sometime, give me more time. With you by my side. Sometime I lose, but sometime I win. With you by my side, I can do anything. And this is sometime, give me more time. avec pour se déchirer mon billet. Un temps con et du bon temps avec vous et Offray. Mais qui claque le premier billet? Pour une tournée, Franck et Phil ne sont jamais derniers. Les lights étaient sous les sifflets. J'étais là avec toi, il y a une dizaine d'années. Y'a des visages qu'on peut oublier. Et le tien me revient, ça doit être la fondée. Oh, il m'aimait, remember this good day. Forever, I would like in the future. We'll sing this song together. Oh, il m'aimait, remember this good old day. Forever, I would like in the future. We'll sing this song together. Y'a pas ces relous que mon bleu. S'assume, on se gère, on est bien mieux sans eux. Une baston éclate sous nos yeux. J'avais dit just cool, mais on prend pas au sérieux. Ils ont pris la vie comme un jeu. Mais il avait des règles, un but et un enjeu. Il y en a qui ont cru et il y a ceux qui y croient encore et qui fait partie d'eux. Vous écoutez toujours Sky Punk sur les ondes de C'est fou avec le camarade B. Et tout juste avant le bloc de publicité, on a eu quoi? On a eu trois nouvelles chansons de la formation ska et reggae française, 8.6 crew. On a eu tout d'abord la pièce Too Strong, ensuite on a vu la pièce thème de leur tout nouvel album, All Reggae Friends. Et par la suite, on a vu la chanson United. Donc, comme je vous l'avais dit, les titres des pièces sont en anglais, mais les chansons sont en français avec quelques refrains ou quelques couplets en anglais. Bon, maintenant, on va aller faire un tour en psychobilly lugubre avec The Hellbats et plusieurs autres choses. Mais avant de d'énumérer les autres choses, d'ailleurs, on entend présentement The Hellbats en background. The Hellbats était présent au Québec la semaine passée. Ils étaient même ici en entrevue. Et puis, toujours est-il que leur tournée n'est pas encore terminée. Je sais pas s'ils avaient quelque chose entre le 28 et le 2 avril. Toujours est-il que le 2 avril, ils sont de retour à Montréal. Ils vont jouer au Crowbar. J'ai pas d'autres informations à vous dire cependant, mais bon, si jamais vous voyez des pancartes de cette formation-là, et que vous avez le temps d'y aller, allez les voir, parce que ça a l'air à brasser pas mal dans le show. C'est vraiment un amalgame de métal avec du psychobilly, puis un peu de punk aussi. Bref, quelque chose pour les chevus. Yeah. Alors, c'est pour ça qu'on va entendre justement The Hellbats avec la chanson One Minute Suicide, qui est la chanson thème de leur plus récent album, qui est sorti sur Kicking Record en 2001. Puis, après ça, nous allons voir les Gutter Demon avec Runaway Loco, une de leurs bonnes vieilles compositions qui était sortie sur leur second album, qui s'intitulait Room 209. Par la suite, on va demeurer à Montréal avec la formation des Hypnophonics, qui se donne à fond dans le punk rockabilly, avec la chanson Romance with a Rapist. Et ça, c'est extrait de leur album Last Been on Earth. Puis, finalement, nous allons conclure ce prochain bloc avec The Creepshow et la chanson Hellbound, que vous pouvez retrouver sur leur plus récent album qui s'appelle The Hall Fall Down. Alors, allons-y sans plus tarder avec The Hellbats et la pièce One Minute Suicide. Mais en attendant d'arriver là, on va continuer avec la conclusion de la pièce Kiss the Viper. fire. And what? In survival, we have the ability to survive. That's the game. Survive. Wait for the kind of game. Well, if this thing's all right, but... Defender, I'm not a beast defender. You gotta be loud. Alors, c'était la formation Creepshow avec la pièce Hellbound. Juste avant ça, on avait eu tout d'abord des Hellbats avec la pièce One Minute Suicide. Des Hellbats qui seront au Crowbar à Montréal le 2 avril. Dernière date de leur show, en tout cas. Dernière date annoncée pour leur tournée au Québec qui a commencé la semaine prochaine. Qui a commencé la semaine passée. Bon, on va-tu y arriver à bien le dire? Et ensuite, on avait eu The Gutter Demons avec un de leurs bons vieux succès, Runaway Loco. Et après ça, on avait eu la formation rockabilly pas rockabilly, punkabilly montréalaise, The Hypnophonics, avec la chanson Romance with a Rapist. Maintenant, on va aller faire un tour en oeil français et suédois avec les formations suivantes, c'est-à-dire tout d'abord la formation Hors Contrôle et une pièce contre le racisme, la chanson Minable, qui traite en fait les racistes de minables, parce qu'il faut être assez minable pour être raciste de toute façon. Puis après ça, nous allons voir Street Kids avec la pièce Tu ne trahiras pas. Ben, trahis pas la classe ouvrière, bien sûr, c'est ça qu'ils veulent dire dans leur pièce. Puis, par la suite, nous aurons Perkel avec une de leurs nouvelles compositions. C'est une chanson qui tire beaucoup, je vous dirais, sur le country, avec un petit côté folk aussi en même temps. La chanson What Have I Done, qui est extrait de leur plus récent album Perkel Forever. Alors, allons-y sans plus tarder avec Hors Contrôle et la chanson Minable à Sky Punka. En passant, je voudrais féliciter tous les étudiants des universités qui ont été manifestés. Faites bien. N'oubliez pas une affaire, par contre. En 2005, vous êtes fait avoir parce que vous aviez dit oui aux 103 millions de Jean Charest en pré-bourse. Alors que la gratuité était très facile à atteindre. Pensez à ça. Maintenant, on y va avec Hors Contrôle et la pièce Minable à Sky Punka avec les camarades B. Aujourd'hui t'as changé, mais impossible de passer. attention, si tu crois choisir tes frères, choisir les vrais. La confiance ne se donne pas aussi facilement. L'arbitre m'a montré plus d'une fois qu'il faut se méfier des gens. Le temps m'a fait savoir qu'il faut des secours pour avancer. Que l'on vit de tous les bords, que la vie ne fait pas pitié. Le temps m'a fait comprendre qu'il faut apprendre à se méfier. Tes amis sont bien rares, tes ennemis peuvent se cacher. Tu ne trahiras pas, tu ne décevras pas. Tu seras fidèle et fier, toujours là pour tes frères. Tu ne trahiras pas, tu ne décevras pas. Tu seras fidèle et fier, toujours là pour tes frères. Trahison, hypocrisie, mensonge et tromperie sont devenus bien trop fréquents. Je crois qu'en moi pour ma survie. Ne te fie pas au lien que tu crées, tu vends des années. Il suffit d'une fois pour te faire tromper. Ne sois pas intolérant, sois juste et droit, sois fort et fier. Fais la différence entre les joies et les colères. Ne t'attache pas trop vite, ne renie pas tout de suite tes forces, tes vices, tes choix, ta vie. Tu ne trahiras pas, tu ne décevras pas. Tu seras fidèle et fier, toujours là pour tes frères. Tu ne trahiras pas, tu ne décevras pas. Tu seras fidèle et fier, toujours là pour tes frères. riscossa, bandiera rossa. Angelic Upstart avec la chanson Bandiera Rossa. Bonne idée de mettre ça en background. Alors, tout juste avant la pub, plutôt le bloc de pub, qu'est-ce qu'on avait eu? Eh bien, on avait eu Hors Contrôle avec la pièce Minable, Street Kids avec Tu ne trahiras pas, ainsi que Perkel avec What Have I Done. Maintenant, nous allons continuer avec une pièce qui traite des réalités sociales d'une bonne partie de la population, la chanson Oshalaga de Jeunesse Apatride, qui, justement, est en soutien à tous ceux qui ont été manifestés pour stopper la hausse des frais de scolarité. Tant qu'à y être, pourquoi pas demander la gratuité scolaire? Car ça serait, selon le camarade B, je crois, une des meilleures façons pour que tout le monde puisse avoir accès à l'éducation au Québec. Ensuite, nous allons avoir The Rebel Spell avec la chanson No Thanks, extrait de leur plus récent album qui s'appelle It's a Beautiful World, qui est sorti sur l'étiquette Rebel Time Record cette année. Ensuite, nous allons avoir Broadcast Zero avec la pièce Battle On, sortie à la fin 2010 sur Rebel Time Record également. Puis, par la suite, nous aurons The Briggs avec la pièce Charge Into the Sun, extrait de leur plus récent album Come All You Mad Men, qui est sorti, là, c'est en 2008, ça, sur Side One Demi. Alors, allons-y sans plus tarder avec Jeunesse Apatride, mais avant ça, je laisse rouler Bandiera Rossa d'Angelic Upstart.

exactly where I don't care. Let us know when you find it, and we'll surely join you there. Yeah, c'était The Briggs avec la pièce Charge Into The Sun, extrait de leur plus récent album qui s'appelle Come All You Mad Men. Très, très, très bon album, soit dit en passant. Maintenant, nous allons continuer en reggae et en oi avec tout d'abord la formation Cayman and the 45. Je sais pas si vous vous rappelez Trip The Off, mais le chanteur, je pense qu'il s'appelait Kristen, ou ouais, je pense que c'est Kristen ou Christian. Non, je pense pas que c'est Kristen. En tout cas, Monsieur Cayman, justement, c'était ça son surnom. Puis, il s'est parti à un nouveau groupe qui s'appelle Cayman and the 45. Je vous ai fait jouer une pièce de lui, justement, de ce groupe-là, la semaine passée. Et puis là, on va entendre la chanson au thème de leur album, qui s'appelle, attendez une minute que je me repère sur ma fuck, qui s'appelle Got Me Moving. Après ça, on va continuer en reggae avec, j'ai un petit peu de problème à dire un nouvel album, car The Agrolite ont sorti 5-6 pouces au cours de l'année passée. Puis Stump Record a décidé de faire un album avec ces 5-6 pouces-là, en fin de compte, qui avait été des live sessions. The Agrolide, qui donne dans le vieux reggae, avait décidé l'année passée de terminer l'année en sortant 5 vinyles enregistrés en live session. Puis, donc c'est ça, ça sonne vraiment très vieux reggae, même que leur chanteur, qui a habituellement une grosse voix, là, ces chansons-là, on dirait qu'ils chantent vraiment avec la petite voix, comme, je sais pas, comme des groupes comme The Pioneer ou The Metal. C'est vraiment très spécial. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? C'est ça. Donc, la moitié des tunes sont sur 10 chansons, il y en a 10 qui sont des instrumentales où le clavier est très, très, très présent. Et puis, les 5 autres, eh bien, c'est des pièces, ça, qui sont chantées, si on peut dire. Et donc, c'est ça. La pièce qu'on va entendre, c'est l'instrumental Eyes of Obaros, qui est vraiment une très bonne instrumentale où justement le clavier se fait vraiment aller. Puis après ça, nous allons terminer le prochain bloc avec le groupe Oi italien Los Fastidios et la chanson Tempi Nuovi, extrait d'un de leurs anciens albums, qui je pense est encore leur meilleur album tant qu'à moi, l'album Continuamo su di voi. Ça, c'était l'album de la tournée, ben, pas de la tournée, mais en tout cas du spectacle qu'ils avaient fait au Jailhouse à Montréal. Ça date d'environ, je crois, 2001, donc c'est vieux, là. Mais c'était très bon, surtout qu'ils se forçaient pour parler en français et en anglais, même si leur première langue est l'italien. Donc, nous allons y aller avec Cayman on the 45 et la pièce Got Me Moving. Allez, deux autres choses que je viens tout juste de vous présenter. Puis après ça, nous aurons une entrevue avec Mr. Christian Achigan qui vient nous montrer ses nouveautés. Alors, allons-y sans plus tarder avec toutes les bonnes choses que je viens tout juste de vous dire. Tout ça uniquement à Sky Panka sur les ondes de C'est Fou, la Radio Campus de Trois-Rivières. Six pack and a bottle of rye. We're gonna get high tonight. God damn, I feel alright. Montreal, babe, when you're alive. She's got me moving, Lord, I love it. She's got me moving, yeah, I love it. Wanna get a little bit more? You best be following her through that door. She's got me moving, Lord, I love it. She's got me moving, yeah, I love it. Man, she caught me looking twice. She got my motor running, Lord, it feels alright. Said to myself, hey, she's out of sight. And if you wanna play, Lord, then roll the dice. She's got me moving, Lord, I love it. She's got me moving, yeah, I love it. And time rolls by. The boys wanna hit the road, I say goodbye. You gotta take a chance, yeah, before I die. And if I don't real soon, Lord, the birds gon' fly. She's got me moving, Lord, I love it. She's got me moving, yeah, I love it. She's got me moving, I love it. Got C'hanno ancora cancellato. Pensa solo a quanti siamo, pensa solo se la nostra grande forza che cos'è. Non ti dimenticare mai che cosa sei, che cosa vuoi. Questo muro è alto ma potremo anche abbatterlo. E una risata tutto quanto cambierà. La nostra grande forza che cos'è? Cambiare idea, da quanto tempo stiamo pagando per i loro guai. Quante urla abbiamo sentito dentro il corridoio. Quanti volti in gabbia siamo noi. Secoli di immondizia non ci hanno ancora cancellato. Pensa solo a quanti siamo, pensa solo se la nostra grande forza che cos'è. Non ti dimenticare mai che cosa sei, che cosa vuoi. Questo muro è alto ma potremo anche abbatterlo. E una risata tutto quanto cambierà. La nostra grande forza che cos'è? OK, monsieur Christian Achigan, ça va bien? Oui. Oups, camarade B. Comment ça va? Ah, il va très bien, le camarade B. Alors, t'es venu nous montrer ton album Jurassic. En fait, tu l'as appelé Christian Jacques présente Jurassic. Oui, ben c'est ça. Ben, en fait, Jurassic, c'est déjà la compilation d'une première partie de 5 chansons qui est arrivée sous le titre Cambrien avant. Okay. Là, on est dans le Jurassic, puis éventuellement, il y aurait une 5e partie Crétacé qui viendrait se placer avec ça. L'idée, c'est simplement de prendre des périodes géologiques, puis de venir accoler une émotion à ça. T'sais, fait que dans le fond, pendant la période cambrien, ben c'est comme plus mollusque, plus on avance tranquillement, mais sûrement. T'sais. Là, on est rendu dans le Jurassique. Là, c'est vraiment là, la place où ça brasse le plus. Là, ça saigne, puis il y a de la chair rouge là, dans ce coin-ci. Ça ressemble, c'est peut-être le bout le plus punk ou le plus agressif là, du segment, du cycle, si on veut. Puis Crétacé, lui, va être un petit peu plus doux, tranquille comme ça, malgré qu'il va avoir au moins 2-3 chansons avec un peu plus de punch. T'sais. OK. Mais là, surtout, disque, tu commences avec Jurassic et tu termines avec Cambrien. Si je regardes le Oui, ben c'est ce que tu as présenté dans les mains, c'est un produit qui n'existe pas vraiment. En fait, okay. C'est un genre de petit truc que je donne pour faire de la promo présentement. Okay. J'en vends aussi pour essayer de renflouer mes coffres parce que je suis en train là, de me ruiner totalement. Ça t'a coûté plus cher qu'à Chigan. Ouais, à peu près. Je te dirais que par rapport à Chigan, ça a coûté à peu près 10 fois plus cher. Qu'Achigan pour faire ce projet-là. Mais en même temps, c'est un autre type de projet. Avec Achigan, c'est des amis de longue date avec qui je fais de la musique. Tandis que là, ben c'est des gens que j'ai rencontrés sur la route avec Mauvais Sort. Il y a entre autres sur le projet, il y a Alex Morissette, le bassiste des Dust Fingers, qui joue là-dessus. Okay. Il y a Fred Drouin, qui était le percussionniste de Mauvais Sort. C'est ça. Puis il y a Mathieu Dion, qui s'est joint au clavier avec nous dernièrement. Fait que c'est des gens qui sont finalement engagés. Fait que ça finit par coûter un petit peu plus cher, bien qu'ils s'engagent, mais c'est vraiment pas les musiciens qui finissent par coûter cher. C'est le temps de studio. C'est ça. Ah, vraiment, là, c'est ça. Fait que là, en tout cas, bref, je vais finir par me griller de trucs pour enregistrer. Là, la prochaine fois, ça va me coûter pas mal moins cher. Mais le studio, vous avez enregistré ça où? On a enregistré ça à l'oreille gauche, à Saint-Étienne-de-Lauzon. C'est à peu près à, je te dirais, à 35 minutes de Québec, là, vers la Beauce. OK. C'est ça, c'est un studio assez génial, vraiment. C'est la seule console de type Neve, là, grande console des années 80, là, on voyait Bon Jovi se pencher là-dessus. Oh, oui. Il y avait des films là, qui étaient mixés là-dessus. C'est cette grande console-là qui est là. Puis pour tout dire, le gars du studio il a décidé de participer et de produire le projet avec moi. Entre-temps, il y a eu des contrats du type Pascal Picard puis Jean Leloup qui vient de mixer son album là-bas. Ah, là. Ouais. Fait que c'est ça, c'est pour ça que ça coûte cher, en fait. C'est parce que c'est ça, c'est dans les majeure un peu plus, là, si on veut. Là. Ça veut pas dire nécessairement que c'est meilleur. Il faut écouter, par exemple. Mais je pense qu'il y a vraiment un bon produit. Là. Ça fait des années que j'écrivais ces chansons-là. Il y a le même humour qu'il y avait qu'il y a dans Achigan. Okay. Puis l'espèce de rapport à l'écologie est encore un petit peu présent sans être aussi à l'avant-plan que dans Achigan. Il faut dire surtout que tu as fait un cover, c'est pas un cover, une reprise de ta chanson Participer au chaos. Ouais, ben c'est un peu étrange parce que Achigan a fait une chanson qui s'appelle Participer au chaos. Puis normalement, ce projet-là devait sortir avant. OK. La version que vous allez probablement entendre là, je pense que tu veux la faire jouer là. Ouais. C'est la version originale de Participer au chaos. C'est à partir de cette chanson-là qu'on a travaillé avec Achigan pour faire la version punk. Okay. Qui va beaucoup plus vite, mais qui, en fait, c'est vraiment différent. C'est deux mondes complètement différents. Il y en a une dans laquelle il n'y a pas de distorsion du tout. Puis il y a plus d'orchestration de voix, tout ça. Puis dans l'autre, c'est plutôt on rentre au poste avec Achigan, là, avec la vitesse puis la grosse. Oh, oui. C'est ça. C'est belle fun aussi. Bon. Puis est-ce que vous prévoyez vous, à faire des spectacles bientôt? Je veux dire, avec ton groupe, là. Ben oui, avec Christian. Ouais, ouais, ben, c'est avec ton avec ce projet-là, ouais. mon projet personnel, on va se présenter au Zenob ici, d'ailleurs, à Trois-Rivières. C'est un petit peu que je me souvienne. C'est le 29 avril. C'est quand même assez bientôt. Ouais, c'est bientôt. C'est dans le cadre des semaines des découvertes culturelles. Je sais pas trop, là. En tout cas, c'est ma copine qui a voulu que je m'inscrive à ça. Okay. En tout cas, bref, finalement, je vais me retrouver probablement à payer pour faire un spectacle. C'est gratuit, d'ailleurs. Mais tes musiciens, eux autres, ils viennent de commande de plusieurs places. Ouais, ouais, ouais, ils reviennent. Ils viennent de Québec, eux. Tous de Québec? Ils sont tous de Québec. Il y en a un de Stoneham présentement, mais c'est un gars... en fait, les gens bougent tellement. Il y en a un qui vient de la Beauce, finalement. Il y en a un autre qui venait... finalement, il y a pratiquement des racines irlandaises. Là, vous allez voir, il va être avec moi au Zenob. Lui, et puis, il est complètement roux. Là. C'est un plaisir juste de le regarder. Puis de l'écouter, c'est encore mieux. Mais non, les musiciens viennent un peu partout, je te dirais. Mais pour les pratiques, c'est sûrement un peu difficile. C'est très, très difficile. Généralement, c'est moi qui me déplace. Là. On s'est fait une petite place pour pratiquer dans le sous-sol du drummer à Stoneham. Puis moi, je descends là-bas normalement une fois à deux fois par semaine là, pour aller pratiquer. Ah ouais, tant que ça. Il a fallu monter le spectacle. Là. Maintenant que le spectacle est monté, peut-être qu'on va se laisser aller un petit peu. Là, mais pour le moment, c'est sûr que là, on était à fond là-dedans. Là. Fait que c'est ça, là, le spectacle au Zenob, ça vaut la peine de venir parce que c'est ça, c'est un spectacle pour lequel moi je suis pas payé, mais c'est pas l'idée d'être payé ou pas. Ah ouais, c'est pour se faire connaître. C'est exactement ça, puis ça fait longtemps que je veux jouer à Trois-Rivières. Puis en plus de ça, je devais jouer tout seul, puis finalement j'ai demandé à Mathieu Dion qui joue le clavier avec moi habituellement à dire crème, ça te tente-tu qu'on fasse un spectacle à deux, puis à accepter, tu sais. Fait que ça va vraiment être génial, là, on va se présenter là, puis d'après moi, là, on va faire un bon gros set, là, on va s'amuser pas mal. Puis sinon, puis pour ton autre groupe, pour Achigan, est-ce que vous avez des projets Des projets présentement pour Achigan aussi? Pour Achigan, moi présentement, je suis rendu à peu près à 17 textes de chansons d'écrits là, okay, pour le prochain album. Je vais sûrement monter ça encore pas mal parce que je suis pas, tu sais, je suis satisfait de certains, mais en tout cas, je sais que ça peut être très très bon. Puis j'aimerais ça amener ça au maximum de ce que ça peut être. Là, le but avec Achigan, c'est de faire le meilleur punk rock francophone qui est au Québec. Là. Puis on a. Bon, je pense qu'on n'est pas loin avec le premier disque, mais avec le deuxième disque, il faut y aller encore plus. Là. On parle de punk à roulette, de punk rapide. Là. On veut pas faire de pop-punk, là, nous autres. Là. Ça va continuer d'aller vite, là, c'est certain. Là. Fait que ça s'en vient de ce côté-là. Qu'est-ce qui se passe aussi avec Achigan? Il y a un spectacle pour Trois-Rivières dans l'air. Okay. Je peux pas trop en parler. J'ai juste eu un courriel hier à ce sujet-là. Ça serait vers quand, à peu près? J'ai même pas eu de date, j'ai rien. Je sais même pas ça serait où, quoi, mais il y a comme deux dates apparemment qui sont... sous la loupe du gars qui s'occupe de nous trouver des spectacles. Okay. Puis ça ferait que finalement, on jouerait finalement à Trois-Rivières là, depuis le temps à Tabarouette. Là, oui. que je suis ici, là, j'aimerais bien ça que ça se passe là, aussi. Fait que c'est ça. Mais de toute façon, vous allez déjà avoir un bon aperçu là, avec le spectacle du Zénoble le 29 avril. Parfait. Là, on va y aller avec... Tu m'avais conseillé de faire jouer la chanson Le comptoir des viandes, c'est ça? Oui, oui. Ainsi que la nouvelle base. Quoi. C'est, pour toi, c'est l'ancienne version de Participer au chaos. Mais pour nous, ça sera une nouvelle puisqu'on l'a jamais entendue. Mm-hmm. Puis après ça, eh bien, nous aurons la version d'Achigan Participer au chaos. Fait que je pense que ça va être assez spécial. Donc, ça va faire assez chaotique pour les jeunes émeutiers, étudiants qui ont été qui ont fait du carnage à Montréal. Alors, je crois que ça parlait un petit peu d'une... Ça parlait d'un parti de Saint... Non, d'une fin de Saint-Jean-Baptiste. Oui, hein, c'est exactement ça. C'est ça, oui. T'es pas payé. Fait que ça se rejoint quand même. Et puis, pour le comptoir des viandes, pourrais-tu nous parler un petit peu du comptoir des ouais, viandes? Oui, ben, le comptoir des viandes, essentiellement, c'est une toune où on raconte le fait que c'est un petit peu niaiseux d'aller dans les bars pour ramasser l'amour de sa vie. Là. Ah, OK. C'est ça, le principe. Puis, bon, le comptoir des viandes, ben, c'est que là, tu vas te placer dans le comptoir des viandes, puis soit tu te fais choisir ou tu choisis. Puis, c'est ça, c'est assez étrange parce que cette semaine, j'ai reçu un courriel d'un gars en Afghanistan qui écoutait le comptoir des viandes. C'était la seule musique qu'il avait pu télécharger dans sur son laptop là-bas, sur son portable. Puis là, ça a vraiment, là, son courriel a amené une profondeur nouvelle à la chanson. Là. Dans le fond, lui, le comptoir des viandes, la boucherie qu'il vit est bien, bien différente de celle qui est décrite dans la chanson, mais finalement, il retrouvait quand même des similitudes là-dedans. En tout cas, c'est intéressant, ça donnait une profondeur politique à la chanson que je croyais pas qu'il y avait au départ. C'est bon. Ah oui. Alors, on écoute ça. Christian Jacques avec la chanson Le comptoir des viandes et après ça, Participer au chaos et par la suite, Achigan avec Participer au chaos. Tout ça uniquement à Sky Punka sur les ondes de C'est fou, la radio campus de Trois-Rivières. Oui. On y va. C'est le nouvel endroit branché où les meutes postmodernes viennent pour y tripoter des pièces de viande bien ferme, une viande entourée d'amis. À peine de puberté sortie, me lance un constat de sagesse pendant que doucement lui regarde les tresses petits. La vie c'est une vraie boucherie, il ne faudrait pas ça y surprendre. Trouver l'amour dans le comptoir des viandes, trouver l'amour dans le comptoir des viandes. L'amour dans le comptoir des viandes. Trouver l'amour dans le comptoir des viandes. Une autre viande a frappé un os. Une fille l'a pris pour un malade. Lui la voulait pour ses noces. Elle seulement pour une balade. Le pauvre a viré un peu fou dans la rue. Il a fait la roue. Puis s'est réveillé dans une chambre portant une camisole blanche. Il me dit, la vie c'est une vraie boucherie. Et je me suis encore fait prendre. L'amour dans le comptoir des viandes. Trouver l'amour dans le comptoir des viandes. Trouver l'amour dans le comptoir des viandes. Trouver l'amour dans le comptoir des viandes. Venez manifester votre filet mignon d'intelligence. Il y a une belle brochette de personnel. Et que dire de la clientèle? Vous traitera comme de véritables morceaux de viande. C'est le dernier endroit branché aux marines la déveine, dans les parfums chers payés et tous de marque italienne. Toi dans le triangle amoureux, quelle coupe de viande te convient le mieux? Ton triangle passe au carré, la scie ou le couteau de boucher. Oh oui, la vie c'est une vraie boucherie, il ne faudrait pas te reprendre. Ah. Trouver l'amour dans le comptoir des viandes, trouver l'amour dans le comptoir des viandes, trouver l'amour dans le comptoir des viandes, trouver l'amour dans le comptoir des viandes. Sur les plaines d'Abraham, ce fut toute une soirée. Ah, quand j'y pense, et je ne parle pas du chaud, de noir silence. Ce soir-là, un gars lançait une pierre vers le Parlement. Il a cassé une vitre et crié non au fascisme. Il a fait ça avec beaucoup de charisme. Évidemment, c'est un euphémisme. Quand je suis sorti de mon buisson, j'ai vu que c'était la révolution. Oh, oh, oh, oh, oh. Tout était défraîchi, la foule était crinquée. Et ma copine m'a dit, t'en meurs d'envie, viens. Participe, participer, oh, participer au chaos. En route vers le carré, j'étais au ciel, le pote dans quelques poubelles. Oh, oh, oh, oh. Quelle belle nuit pour le vice, ah oui j'étais parté. J'étais dans la milice et j'ai vu les polices. Participe, participer, oh, participer au chaos. Participe, participer, oh, participer au chaos. Au barrage, ma blonde a sauté la clôture, gardée en me laissant de l'autre côté. Ah c'était tellement poche, j'étais condamné. Sa sacoche et à l'arcader. Participe, participer, oh, participer au chaos. Participe, participer, oh, participer au chaos. J'aurais voulu être purifié au canon à eau et mettre du cayenne dans ma vie. J'aurais poussé pour faire rouler le tuyau, écraser mon ennui. Ça, c'est de la belle poésie. Tout le monde que je connaissais à cause des golfs faisait des moons, même les vols. Aujourd'hui, ils sont médecins, ils sont avocats ou dentistes. Ils n'en regrettent rien de leur trip d'anarchiste. Dire que ma Sophie est passée aux nouvelles pendant que je gardais ses bébelles. Oh, oh, oh. Participer, oh, participer au chaos. Participe, participer, oh, participer au chaos. Participe, participer, oh, participe, participer, oh, participe, participer, oh, participe, participer, oh, participe, participer, oh, participer au chaos. Le pot en quelques poubelles. succès des moons, même les vols. Aujourd'hui, sans médecin, ils sont avocats ou dentistes. Et ils ne prêtent rien de leur type d'anarchiste. Dire ma sortie est passée aux nouvelles pendant que je gardais ses bébelles. Tant qu'à être en ville et tant qu'à être en rue. On y peignait mes cils, il me semble que j'aurais dû participer, participer, oh, participer au chaos. Participer, participer, oh, participer au chaos. Participer, participer, oh, participer au chaos. Participer, participer, oh, participer au chaos. Participer, participer, oh, participer au chaos. Participer, participer, oh, participer au chaos. Participer, oh, participer au chaos. Participer, participer, oh, participer au chaos. Participer, participer, oh, chaos. Participer, participer, oh, participer au chaos. Participer, participer, oh, participer au chaos. Alors, c'était The Prowlers avec leur version de la pièce Chaos, pièce qu'ils avaient enregistrée eux autres au début des années 2000 sur un mini-album qui s'appelle Chaos in the City. Et puis, depuis 2010, justement, Bon, récemment, ça fait peut-être... Bon, ça recule peut-être une vingtaine d'émissions. J'avais justement fait une entrevue avec Sylvain Prawlers qui nous parlait du retour là, de Prawlers. Et puis là, maintenant, ils ont même un nouveau mini-album qui s'en vient avec un groupe allemand. Donc, Prawlers ont vraiment repris la route, si on peut dire. Donc, aujourd'hui, nous allons nous quitter aujourd'hui avec les deux pièces suivantes, c'est-à-dire... The Rotten, donc la formation The Rotten, qui sont en spectacle un petit peu partout là au Québec. Donc allez faire un tour là sur le site Rebel Time Records, allez trouver les dates, parce que là il faut faire ça vite, là j'ai pas trop le temps de tout vous dire ça. Donc The Rotten, allez voir ça sur leur site là, sur le site de Rebel Time Records. On va terminer avec la chanson Punk Love. Et puis, après ça, nous allons terminer le tout en beauté aujourd'hui avec The Foreskin et leur pièce ska qui s'appelle Plastic Gangster, que vous pouvez retrouver sur des albums de Foreskin, c'est sûr, mais aussi sur une très bonne compilation qui s'appelle Oi Charts Buster. Et c'est une compilation, en fait, qu'au début avait été sortie en 6 vinyles, puis maintenant, est en 3 CD. Et, en tout cas, côté CD, c'est celui qui s'appelle Oi Chartbuster Volume 1 and 2, que vous pouvez retrouver la chanson Plastic Gangster. Alors, allons-y, sans plus tarder avec ces deux chansons-là. Puis après ça, quittez pas l'antenne, car ça sera au tour de Simon Fitzbay avec l'émission La saveur du moment. Bon, j'allais, oh boy! L'Alzheimer s'en vient. OK, alors, nous y allons cette fois pour de vrai avec la formation The Rotten et la pièce Punk Love. Salut, bébé, je m'en vais me coucher. OK.